Bonsoir tout le monde. Bonsoir Daniel. Je me présente, Jean-Guy Lafrance, homme d'affaires. Bonsoir, je suis François Martel, homme d'affaires et éducateur physique. Bonsoir, je suis Michel Lacerte, policier et homme d'affaires. Bonsoir, je suis ici. Jean-Guy est un nouvel intervieweur, il ne sait pas qu'il faut qu'il place son micro, mais c'est ça. OK. La télépathie, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça fonctionne bien. Avant de commencer... OK. Je fais souvent des petites mises en garde, donc je continue là-dedans. La conférence de ce soir est une conférence qui ne veut rien dire. Voilà. Hein? C'est une bonne mise en garde? Oui, c'est une bonne mise en garde, ça. Parfait. Alors, on ne se prend jamais au sérieux dans quoi que ce soit. Ce qu'on comprend, on le comprend. Ce qu'on conscientise, on le conscientise. Ce qu'on comprend pas, bien, on s'en fout. Alors, espérons, vous autres, vous n'allez pas trop vous foutre de ce que je vais dire. Ouais, on va essayer de suivre. On y va. OK. Le sujet de ce soir, c'est le plus grand mensonge du monde. Un mensonge, on a appris par tes multiples conférences que c'était une coloration d'une certaine vérité, en quelque part. Puis, on commence pas en citant mes conférences. Ça commence mal. Ben, il va être sûr que ça soit. Parce qu'on se ramasse quelque part qu'il y a une réalité. Puis qu'à l'autre bout, il y a un mensonge. Mm-hmm. Donc, on dit le plus grand mensonge du monde pour être relié à une grande réalité du monde. Donc, comment tu pourrais définir ça, le mensonge, pour ne pas qu'il soit relié avec cette réalité-là? Bon, premièrement, j'ai dit que la vérité, c'est la coloration de la réalité. L'humain recherche la vérité. Donc, l'humain ne recherche pas la réalité, l'humain recherche un mensonge qui cadre avec ce qu'il vit, et non pas de la réalité. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. Plutôt, on veut plutôt entendre ce qu'on veut. Oui, c'est ce que je dis, c'est la vérité. Mais c'est pas nécessairement un mensonge. C'est toujours un mensonge quand c'est de la vérité. Même si ça pourrait, disons, par hasard, Mais c'est quoi une vérité? Une vérité, c'est ça. Une vérité, c'est un mensonge qui te plaît. Ça, c'est une vérité. Oui, mais on prend ça où, là? C'est facile à dire. Une vérité, c'est un mensonge. C'est tout? C'est tout. La vérité, c'est un mensonge. Les gens se battent pour la vérité, les gens ne se battent jamais pour la réalité. Quand il pleut, est-ce que les gens se battent parce qu'il pleut? Ou bien non, parce qu'il y en a un qui dit qu'il pleut pas, puis l'autre qui dit qu'il pleut, puis ils sont dehors, les deux, puis ils sont mouillés. Ils se battent jamais. Et pour la vérité, les gens se battent, les gens meurent, les gens... Oui, mais il y en a qui vont dire c'est la vérité qui pleut. De constater qu'il pleut, c'est une réalité, mais aussi c'est une vérité. Si je dis ça le lendemain, là. Non, ça c'est jouer sur les mots, mais ça ne me tente pas. Mais, c'est quand même ce qui va se passer pareil. Non. Quand les gens parlent de vérité, les gens veulent un mensonge qui cadre bien avec ce qu'ils ont besoin. Toutes les vérités théologiques, les vérités scientifiques, les vérités politiques, les vérités émotives, sont tous des mensonges qui font partie de l'illusion cosmique et les gens recherchent rarement la réalité. Les gens recherchent la vérité, c'est-à-dire un mensonge, donc un à côté de la réalité qui résonne avec ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Mais... Par exemple, m'aimes-tu? Non. Dis-moi donc la vérité. Bon, oui, je t'aime. Ou encore, si moi, ça cadre mieux que tu ne m'aimes pas, je vais te dire, m'aimes-tu? Tu dis oui. Hey, écoute, tu sais, dis dans la vérité de temps en temps. Ce qu'il me dit, je n'ai rien à faire. Je veux qu'il me dise ce qui cadre avec ce que je vis. Finalement, il va me dire non, je t'aime pas. Bon, je le savais. Oui, mais il peut arriver que ce que la personne va dire va être la réalité. Oui, mais ça n'a rien à voir. Pour elle, c'est une vérité, c'est un mensonge. Oui, mais ça peut. Même si la personne voulait entendre ça. Je vais expliquer à ton ego une chose. Oui. Si tu sors les yeux fermés avec un parapluie, peux-tu pas qu'un parapluie? Tu es dans une maison, tu as les yeux fermés, tu ne sais rien de l'extérieur. Si tu dis « il pleut », de toute façon, tu as tort, qu'il pleuve ou pas. Et tu te dis « non, ce coup-là, j'avais raison ». Tu n'avais pas raison, pourquoi? Parce que tu ne le savais pas. Alors, c'est pas parce que par hasard, et il pleut, et que tu le dis... La distinction que tu fais, là, c'est entre le savoir quelque chose, c'est la réalité... Et puis, penser quelque chose, par exemple, c'est un mensonge. Pour lui, pour son ego et d'autres égos, si je peux trouver, j'ai juste du papier, non, ça y est, j'ai du métal. Ben, je pense que j'en ai. J'en ai. Pour plusieurs égos sur la planète Terre, pile ou face? Face, il pleut, puis pile, il pleut pas. Pile, je vais voir. Ah! La pièce avait raison! La pièce ne n'en sait rien. L'humain fait la même chose, l'humain se dit « Dieu existe! » C'est une vérité. Donc, c'est un mensonge pour l'humain, l'humain ne le sait pas. Il ne sait pas encore ce mensonge, mais quand sa vérité est brisée, là, ça devient un mensonge. Tu es un prêtre, dis-moi que Dieu existe. Dieu existe. C'est vrai, il me parle tous les soirs. Savez-vous quoi, je suis un prêtre? De la jalousie. Oh, Dieu existe, mais n'exagérons pas. Non, pas de la jalousie. Parce que même pas le tour. Dieu existe, mais n'exagérons pas. OK, Dieu existe, mais n'exagérons pas. Ouais. Crois-tu aux extraterrestres? Il n'existe pas tant que ça. Oui. Non. Je fais des voyages sans arrêt avec eux. Là, oh, on ne croit pas à ce que je dis. L'extraterrestre peut exister. Le contact avec l'humain, peut-être, mais pas avec quelqu'un que je connais. C'est non. Pourquoi? Pas quelqu'un que je connais. Pourquoi? Quelqu'un que je connais pas, ça se peut. Pas quelqu'un que je connais. On n'est pas dans la réalité, on est dans la vérité. Bon, on est dans le mensonge. OK, mais là, on parle de mensonge, de vérité et de réalité. Mais là, c'est comment ça s'installe? À quoi ça sert? Ça sert à quelque chose? Ça protège les gens parce que c'est trop fort? Là, avant de parler de à quoi ça sert, il faudrait voir le grand mensonge. Le plus grand mensonge du monde. Le plus grand mensonge du monde, Daniel, c'est quoi? Bonne question. OK, juste avant. Est-ce qu'il y a une différence entre le plus grand mensonge du monde et le plus grand mensonge cosmique? Oui. Bon. Maintenant, c'est quoi? Le mensonge cosmique ou le plus grand mensonge cosmique? Le plus grand. Écoute, je vais répondre à tout, moi, là. Tu verras l'entraque, c'est pas différent. Si on dit, Daniel, si on dit le plus grand mensonge, c'est parce qu'il y a d'autres mensonges en tout. Oui, mais avant, il y a le moyen. C'est une question, je vais laisser moi répondre. Alors, le mensonge cosmique, c'est un mensonge qui englobe toutes les hiérarchies qui contrôlent l'humanité, ses plans, puis sa gestion de vie, au-delà du contexte planétaire. Puis le plus grand, les mensonges dans le monde, l'illusion dans le monde, et non pas l'illusion cosmique, concernent uniquement la vie psychologique, psycho-émotive, ou la vision psycho-émotive qu'aura l'humain de sa réalité. Donc, si on parle du mensonge cosmique, par exemple, on a différents mensonges cosmiques qui sont indéniables. Et si on parle du mensonge du monde, c'est le mensonge qu'on retrouve à peu près uniquement dans le contexte de la planète Terre. Et c'est un mensonge qui englobe l'humanité. Le mensonge cosmique se trouve dans le contexte planétaire, englobe l'humanité, mais on le retrouve aussi à travers différentes structures de fusion. Donc, de descente énergétique à travers la galaxie, l'univers, l'univers et la création. C'est ça, les hiérarchies? Non, les hiérarchies, ça fait partie de l'illusion cosmique, donc du mensonge cosmique. Mais le mensonge, tout court, là, c'est dans l'astral individuel de chaque personne ou dans l'astral Le plus grand mensonge du monde, il est dans l'astral individuel de chaque personne, mais il est présent dans chacun des astrales de tout le monde. Mais c'est ça, on peut dire que c'est individuel, mais collectivement... C'est vécu individuellement, mais c'est présent partout. Puis le mensonge cosmique, c'est à l'extérieur de vécu aussi par l'humain, mais effectivement, tu pars en capsule, tu te fais encore fourrer par le mensonge cosmique, tu pars en capsule, puis après 2, 3, 4, 5 années totalement à l'extérieur du contexte planétaire, tu vas lentement être désassujetti du mensonge du monde, puis il y en a qui en sont désassujettis. Suite, du moment qu'ils quittent la ionosphère, il y en a qui sont désassujettis, des astronautes qui ont mangé la claque, parce qu'en sortant de l'ionosphère, donc disons des limites planétaires, ils ont été immédiatement absous du mensonge du monde, de plusieurs mensonges du monde, quelquefois du grand mensonge, et subitement, ben là, ils ont capoté parce que... On parle de mensonges qui atteint l'homme. Mais comment ils sentent? Oui. Comment ils sentent quand tu es dans l'espace, tu es déconnecté du mensonge du monde? C'est quoi qui se passe? Pourquoi ils capotent? Qu'est-ce qu'ils voient, là? Parce qu'ils prennent conscience. Ils prennent conscience que la vérité est une farce. Alors, ils sont confrontés à la réalité, ils ne la veulent pas. Mais ils sont confrontés à la réalité. Ils ne la veulent pas, mais ils sont confrontés à la réalité. Parce que tu te rends compte qu'il y a d'autres choses, tu sors... T'arrives chez toi, là, ta maison a brûlé. T'entends, tu vois de la fumée dans ton quartier. Tu te dis, c'est pas ma maison, c'est pas ma... Je suis certain que c'est pas ma maison. Ça, c'est la vérité. Bon, quand tu arrives en avant, tu commences à voir, là, puis là, oups, ça sent le plastique, t'es la seule maison de plastique du quartier, tu sais. C'est un camion à vidange, c'est pas ma maison. Là, quand tu arrives en avant, elle brûle ta maison. Pourquoi tu capotes? C'est que tu as la réalité et elle n'est pas en conformité avec ta vérité. Alors, tu n'en veux pas de cette réalité-là. Puis là, non, ça se peut pas! Ça se peut, regarde! Ah, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas! Là, tu cries, tu sautes, ta maison brûle pendant ce temps-là, et ça se peut! Bon, OK, mais pourquoi c'est si épouvantable que ça, la réalité? Une maison qui brûle, t'es assuré, puis tu vas rebâtir, c'est pas plus grave que ça. Pourquoi? Ouais, l'affaire, si elle explose, on est assuré, on va recommencer ailleurs. Bon, où est-ce qu'il y a le problème, maman? Où est-ce qu'il y a le problème? C'est pourquoi c'est si épouvantable que ça, la réalité? Uniquement parce que toute ta structure égoïque, 99% de ce qui te constitue est faux. Alors, quand tu es confronté à la réalité, tu es, veux pas confronté à la réalité de ton illusion. Donc, que tu... T'as peur, Daniel. Il y a du monde qui rit de toi, en tout cas. Daniel, tout ce qui me constitue est faux? Non, dans ton cas, toi, disons qu'il y a 0.5% qui est vrai. Parce que ce mensonge-là qui est individuel, on est tout le monde en parle, c'est du grand mensonge. Ah oui, j'en arrive. On est relié collectivement à un plus grand mensonge. Ben l'humain est collectif, c'est bien évident. Donc, ça touche l'humain par sa pensée seulement. Je vais donner un petit exemple de collectiviste, tout le monde, là. Je me promène en automobile avec une personne, on ouvre le toit de l'automobile, on est en campagne, il n'y a absolument personne autour de nous, là. On roule à 60 km/h. Puis, on monte à 90, on sort du village. Là, on sort nos mains jusqu'au coude, puis là, la misère à tenir ça, puis là, tu commences à faire de l'avion, tu sais, puis là, tu t'en vas, puis là, tu te donnes une raison de taper à la tête de l'autre, c'est le vent. Et puis, ça va bien, c'est plaisant. Tu arrives sur l'autoroute, il y a plein de monde. Tu ouvres le toit, tu ressors la main, puis là, l'autre est là, arrête de niaiser, là. Elle a peur d'être jugée par un paquet d'inconnus. C'est collectif. Il vient se rendre compte de son mensonge. Puis c'est du monde qu'elle ne verra jamais, qu'elle n'entendra jamais. C'est des écureuils, c'est des poteaux. On appelle ça des automobilistes. Bon, mais c'est là que tu fais les mêmes conneries. Promène-toi sur l'autoroute avec le doigt de même, là. Et t'es en plein champ, en plein désert, ça te dérange pas. T'es sur l'autoroute ou en ville, c'est la rue Sainte-Catherine. Ouais, c'est sûr qu'il y a un paquet de feux rouges, c'est risqué. Mais t'es sur l'autoroute, disons, là. Promène avec le doigt de même. La majorité, c'est plus capable. C'est quoi impoli? C'est quoi impoli? C'est ce qu'ils vont en penser qu'il est impoli, pas ton doigt. Écoute, ton doigt est pas impoli. Mais c'est ça, le collectivisme. Non, mais c'est une forme de communication. Ce qui te dérange, c'est pas que tu communiques. C'est que tu veux pas que les gens pensent que l'inconnu qui ne va pas dans l'auto soit quelqu'un que tu veux pas être. Oui, mais quand tu communiques, nécessairement, tu embarques dans l'interprétation. Ça oui, moi, je parle du collectivisme. Comment ça se passe? Pourquoi tu as peur d'être jugé par quelqu'un qui ne t'atteindra jamais? Tu te juges toi-même en projetant sur autrui. C'est le collectivisme. Tu vas juger de prendre conscience que. Écoute, il y a un masse de monde qui te trouve laid. Ça ne te dérange pas parce que tu n'es pas conscient. Oui. Mais si tu pouvais en être conscient, tu te cacherais. Oui. La main, là, tu es au milieu de la nuit. OK? Tu te promènes dans une base unitaire en plein milieu de la nuit avec ta main de même. Ça ne te dérange pas. Mais si tu sais que tout le monde te regarde avec des lunettes infrarouges, là, ça me dérange en maudit. La différence, dans un cas, tu le sais, là, tu penses qu'il te juge. Quand tu le sais pas, t'es pas atteint, t'en souffres pas, c'est la joie, il n'y a aucun problème. Comment tu sais pour te dégager de ça? On en reparlera. Moi, je te parlais d'un exemple de collectivisme fréquent, partout. Mais c'est partout comme ça. Le plus grand mensonge du monde, c'est quoi? Le plus grand mensonge du monde, c'est quoi? Bon. On a parlé de pensée. Non. On a parlé que ça se passait dans la pensée. Que ça on va pas parler de ça du tout, là. Comment j'en parle? Okay. La peur, c'est un grand mensonge. Donc, non, la peur, c'est un parti politique. Dans l'astral. Dans l'astral. L'astral, c'est le grand mensonge du monde. Non. L'astral, c'est l'endroit où le grand mensonge vit. Et il passe par là, en tout cas. C'est son écosystème. Okay. C'est le haut-parleur. Écoute, t'essaies pas de répondre. Faut que je te dis non, je vais répondre. Alors, faut que je te pose la question. Le plus grand mensonge du monde, puis on m'en parlait en masse, là, mais Mais le... C'est qu'il faut, je vous avertis amplement, j'aime pas, moi, lui donner des chocs, c'est choquant. Donc, je préfère préparer le terrain. Le plus grand mensonge du monde, si on ne le lance pas comme ça, là, si on le dit pas fort, ça touche pas trop, c'est l'espoir. L'espoir, c'est le plus grand mensonge du monde. C'est que t'espères que ta vérité, ça va être vrai. T'espères n'importe quoi. L'espoir, c'est le plus grand mensonge du monde. Ça veut dire quoi? L'espoir, c'est la gangrène majeure de la conscience de l'humain. Il y a évidemment des philosophies qui disent que sans espoir, on ne peut pas vivre. C'est faux. Sans espoir, le mensonge ou la vérité ne pourra pas vivre. Confronté à la réalité. Mais l'espoir de ton espoir quand tu diriges vers ta maison, non, c'est pas ma maison qui brûle, c'est de l'espoir. L'espoir d'être sauvé. L'espoir d'être sauvé par Dieu. L'espoir d'être sauvé par les extraterrestres. L'espoir de ne pas être perdu, en tout cas. L'espoir d'être pardonné. L'espoir de s'en sortir. L'espoir de ne pas être attaqué, de ne pas être violé, l'espoir qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire, l'espoir. Ça revient à ce que tu dis tout à l'heure, là, les attentes, ça fait partie, se créer des attentes, c'est un espoir. Fait que c'est à partir de là. C'est un mensonge majeur, parce que l'espoir... Faire dire ce qu'on veut, là, entendre, poser une question, puis espérer entendre, par exemple, c'est pas ma maison qui est en train de brûler. Ça, ça fait partie de l'espoir. C'est sûr que l'être humain qui n'a pas d'espoir et qui n'a pas de conscience a un problème. Sauf que quand l'être humain commence à avoir de la conscience, on commence à lui donner de l'espoir. Pourquoi? Pour l'empêcher de se conscientiser. Si tu n'as pas d'espoir, tu vas fonctionner avec la réalité. Ça veut dire que nécessairement, tu ne pourras pas vivre pendant un petit bout de temps, ça varie de quelques secondes à quelques milliers d'années, ça dépend des personnes, pendant un petit bout de temps, tu vas vivre un stress parce que tu te dis, bon, les extraterrestres ne viendront probablement pas me chercher. En tout cas, si ils sont intelligents, ils vont chercher personne ici. Dieu nous sauver. Écoute, il nous a mis dans la merde, c'est pas pour nous en sortir. Sinon, je ne veux pas retourner vers lui. Mais le Père qui me met dans le feu et qui me dit, il va m'aimer après, il m'aura sauvé, tu sais. Mais sors-moi, tu vas voir. Bon. L'espoir, l'humain qui doit découvrir effectivement que l'espoir est une mécanique très, très dangereuse. Par exemple, vous devriez vous séparer en couple. Oui, ça arrive souvent, ça. Oui. J'espère ne pas... Tu connais ça? Oui, je connais ça. Puis là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu décides de ne pas te séparer, l'espoir que ça va bien aller, alors que la réalité prouve que ça ne va pas et que ça n'ira pas mieux. Bon, l'espoir. Tu es dans un emploi que tu n'aimes pas. Il y en a qui laissent leur emploi et qui ont espoir de se trouver. Moi, ce que je dis, c'est que tu laisses ton emploi quand tu es sûr de te trouver. Ah, mais ça se peut que je ne trouve rien, tu dirais, toi, là. Mais moi, je vais te dire oui. Et ça, ça ne change rien à la vie. La vie est une putain. Mais tu laisses ton emploi quand tu es sûr de trouver. C'est pas une garantie que tu vas trouver. Tu sais, c'est pas de dire, ah, ben j'ai fait une gaffe. T'as pas fait de gaffe. T'es dans un monde d'illusions. T'as pas fait de gaffe. Bon, mais présentement, toutes les... De ce que je peux voir, il y a... Tous les humains vivent d'espérance. Tous les humains, ou à peu près, sans nécessairement, celui qui était sûr d'avoir une autre place, en réalité, il espérait avoir un autre emploi. L'espoir amène la désillusion. La désillusion majeure, c'est la désillusion des dieux. L'espoir, je vais en parler de bien des façons. Allez voir. Premièrement, si on parle de l'espoir comme le plus grand mensonge du monde, il faut voir à quoi, sur quoi l'espoir se base pour être maintenu en vie par la conscience humaine. Après un échec, on espère d'autre chose, on se fait récupérer par on espoirise prochain. Sans arrêt. L'espoirisation est une lacune pour l'être qui se conscientise. Ça reste un détergent mental, ça peut être un détergent psychologique. Quand tu utilises l'espoirisation consciemment, c'est une chose. Mais l'espoir tout court, ce n'est pas conscient. L'espoir tout court, c'est une vibration qui t'anime, qui fait en sorte que tu continues dans ta gaffe, par exemple, de gaffe en gaffe, puis tu espères Le joueur compulsif, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer au casino, il perd. L'espoir. L'espoir va le tuer. Oui, puis là, il dit qu'il ne recommencera plus. Oui, mais après perdu, ça, là, c'est tellement évident. C'est l'espoir. Tellement évident que ce coup, s'il gagne, c'est sûr que mentalement, il a raison. S'il gagne, il règle ses dettes. S'il perd, il complique ses dettes. Mais là, lui, il est mental. Si je gagne, je règle mes dettes. Oui, mais si tu perds, là, il y a espoir. Mais non, je vais gagner ce coup-là, ça va être la bombe. J'ai un exemple, Daniel. Et ce coup-là, ça va être le dernier, l'espoir. Mais l'espoir, c'est pire que ça, comment c'est vache. Il pleut dehors, vite, la fenêtre d'automobile est ouverte de tout ça. Allez-vous sortir pour le fermer? Non. La majorité n'iront pas. Quelque part, il y a l'espoir que l'eau et la pluie vont être assez décentes pour ne pas rentrer dans l'automobile. La femme qui se fait abattre par son mari. Ben, elle va espérer sans arrêt qu'il va changer. Elle s'en va, elle divorce. Elle va espoiriser de ne pas rencontrer un autre homme qui va l'abattre. Puis souvent, elle va rencontrer un homme qui va l'abattre. Oui, continuellement. Ça récidive tout le temps. Pour combler quelque part un espoir contraire. Mais c'est que la personne est là, des mécaniques qui la font tomber en amour, parce que ça c'est réellement tomber. Avec des gens qui, à son contact, vont se voir réveiller des entités qui vont les manipuler à recommencer à les battre. Donc, c'est pas à cause de la femme, c'est pas à cause du bonhomme, parce que souvent le bonhomme n'a jamais battu, mais cette femme-là, elle a déjà été battue, puis il y a quelque part des entités qui vont s'occuper de faire en sorte que le bonhomme devienne finalement un batteur de femmes, puis la femme va les entités, eux autres, font pas partie du grand mensonge. Les entités ne font pas partie du grand mensonge. Non, ils font partie de l'illusion. Ils l'entretiennent en maudit, en tout cas. Regardons ceci. Pour comprendre le grand mensonge, le plus grand mensonge du monde, quand je parle d'espoir, puis là, évidemment, on en parle assez bénignement, tant mieux. Ça fait moins mal, ça choque moins l'ego. Mais il y a des choses qu'on doit savoir au niveau du mensonge, au niveau de l'espoir, puis de l'espérance. Les promesses, pourquoi pensez-vous qu'on revote sans arrêt les mêmes vieux partis politiques avec les mêmes politiciens, puis on a les mêmes farces sur les politiciens, puis on chiale de la même façon sur les politiciens, parce qu'on espère à chaque fois. Lui, c'est un maudit menteur. Ça fait 20 fois qu'on le vote. Oui, mais peut-être, coup-là, on le dit pas, on n'osera même pas le dire. Mais l'espoir nous entretient un boycott national des prochaines élections. Des gens qui ont compris le piège de l'espoir vont plus voter. On annule, on n'en veut pas d'élection. On veut qu'il se passe quelque chose. On veut que, dans la loi, il se passe ceci. Le gars qui fait, la personne a fait des promesses, mais si 80% de ses promesses ne sont pas passées, elle perd nécessairement. Elle est rejetée. On refait les élections. Quelqu'un qui est allé. Mais les gens, l'espoir sans arrêt. Bon. T'as la leucémie, t'espères être guéri, on va dire oui, mais c'est ça qui le fait vivre. C'est pas vrai. La colère le ferait vivre mauditement mieux. L'écœurement le guérirait mauditement plus. L'espoir le fait végéter. Présentement, l'espoir, je vois ça comme on rêve finalement. C'est un rêve. Comme tu rêves de gagner le million, ben l'espoir. C'est bien plus vicieux que ça. Parce que il n'y a pas personne qui va être capable de supporter la vie. Si tu n'espères pas, parce que toutes les sectes, les religions, les mouvements là, tout est basé sur spirituels, tout est basé sur l'espérance, de quelque chose de positif. Tout est basé sur l'espérance. C'est un mensonge complet et total, parce que l'espérance, là, c'est le voile, on pourrait dire le seul voile, qui s'il est écarté, voyait la réalité. Bon, c'est pas 150 voiles. C'est pas apprends-toi à te connaître, ou connais-toi toi-même, ou etc. C'est pas ça du tout. C'est pas pris, mais n'obtient jamais de résultat, t'es frustré. Tout ça, qui essaye. Bon, Daniel, si c'est si répandu que ça, là, c'est que il doit avoir quelqu'un quelque part qui a avantage parce que l'humain. Bon, pas quelqu'un. La mafia. OK, la mafia, la mafia astrale, justement, a avantage. Bon, mais moi, je ne mettrais pas ça sur d'autres personnes, là. Okay, non, mais disons, astralement. Bon, ben, en tout cas, il y a quelque chose qui maintient de l'espoir comme ça partout. C'est répandu. C'est pas nécessaire d'amener ce discours-là pour comprendre la merde dans laquelle l'humain, par l'espoir, se maintient. Mais je veux juste savoir, moi. Moi, ce que je pourquoi veux te dire, c'est le même? À quoi ça sert? Oui, mais moi, ce que je veux te dire, c'est que quand tu reçois une flèche empoisonnée, cherche pas qui l'a tirée, guéris-toi. Guéris-toi. OK, puis après, laisse donc faire après. Mets-toi une armure, fous-toi-en après. Il y a des mécaniques qui ont à cœur, on peut dire qu'il n'y a pas de cœur, mais qui ont comme ultime besoin l'empêchement de conscientisation de l'espèce humaine. Faut pas que l'humain devienne conscient. Tout ce qui est dans l'astral veut pas que l'humain devienne conscient parce qu'un être conscient est un être qui va finir par déchirer le voile de l'espoir. Toutes les religions, les divinités veulent pas que l'homme devienne conscient, la femme ou l'enfant devienne conscient parce que devenant conscient, ils vont se rendre compte de la merde dans laquelle ils ont été placés et nécessairement ils vont déchirer le voile de l'espoir. Sauf, dans le ciel, tu seras à la droite du Père. Bon, ou tu seras au samadhi, ou bien non, tu les infidèles, un champ de bataille, tu seras sauvé. L'espoir sans arrêt, puis ce que l'humain sait inconsciemment, chaque fois que tu meurs, on te tripote un peu en haut, tortue sa planète dans le fond d'une paire de couches, puis on recommence. C'est juste ça que l'humain sait. Et l'humain, avec la pensée positive, avec les prières, avec les offrandes, les dons, l'humain s'est martyrisé le corps sans arrêt, l'humain a offert ses plus beaux bœufs, ses plus beaux enfants aux dieux. L'humain a tout fait pour les dieux. Puis les dieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont jamais allés. Dieu ne verra pas les dieux. Parce que si un dieu se présente devant l'humain, l'humain va se rendre compte immédiatement de l'infériorité des divinités. Et ça va faire en sorte que l'humain va avoir... L'humain se mettra un peu à genoux, à la vente devant ce qu'il lui-même crée. Non, mais c'est l'espoir est une... Regarde ceci. Dans les lois humaines actuellement, dans les lois, pour être légal, pour avoir la paix, pour s'entendre, c'est-à-dire, vous êtes tous des esclaves, puis vous êtes fouettés de temps en temps pour rien, ou quand le maître est en colère, ou quand le maître se trompe, ou bon. Puis quand le maître se trompe, le maître il dit « Ah, t'as fait des fois que t'es pas conscient, mais fais-le plus. » Bon. Et c'est de même que la vie nous traite. Puis à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que si l'humain commence à être conscient, le maître il te fouette un peu plus. Le maître il veut te faire comprendre que, regarde, quand tu n'essaies pas d'être conscient, t'es mauditement mieux. C'est vrai. Au lieu d'avoir 20 coups de fouet, j'en ai juste 12. Je suis mauditement mieux. Et le maître fonctionne par différence de potentiel. Pour créer une conscience polarisée dans une espèce en croissance comme l'est l'humain, pour créer le croissance d'une croissance polarisée, le bien et le mal, le bon et le mauvais, il faut absolument engendrer de la souffrance. Un être qui ne vit pas de souffrance ne vit pas de conscience duelle, ne vit pas de conscience polarisée. Quand il souffre, vit pas. Quand il souffre... C'est pas long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un esclave, tu es bien. Tu n'as pas de conscience polarisée. Tu n'as pas de référence du bien et du mal. Or, moi, je passe en bon maître, je te fouette. Là, tu as une référence du bien et du mal. Mais là, pour conserver la référence du bien et du mal, pour te conserver dedans la mécanique, puis en te fouettant, tu vas avoir espoir que je ne te fouetterai pas aujourd'hui. Pour conserver la conscience de la polarité, à un moment donné, les 7 couches que je te donne quotidiennement, je vais t'en donner 8, 9, 10, 11, 12. Puis là, je vais arrêter de t'en donner, mais en t'en donner avec 7. Puis en t'en donnant avec 7, tu me trouves un maudit bon maître. Parce que j'aurais pu t'en donner 15. Venez avec 7. C'est ce qui arrive avec les humains, avec leur religion, avec leurs politiciens, avec tout ce qui se passe sur la planète Terre. Puis tout ça est supporté par le règne de l'espoir dans la conscience de l'humain. L'espoir amène l'humain dans la merde. Excusez l'expression. Je t'excuse. Puis, parce que tu pourrais être plus vicieux. Ouais, je pourrais être plus vulgaire. L'espoir amène l'humain... Ah, non. L'espoir... L'humain n'a eu besoin pour arriver à quelque part, dans son évolution. L'humain n'a pas besoin, mais l'humain est investi d'espoir. Ce concept-là, là, ça a amené l'humain... dans l'inconscient. En quelque part. Ça a amené l'humain plus haut un peu. Pas en quelque part, partout. Mais c'est pas l'espoir qui a amené l'humain, c'est la souffrance qui a voulu qu'il s'en sorte. Tout ce qu'il faut faire là, c'est de voir l'ampleur de la misère humaine conservée par la présence de l'espoir. Les coups de fouette, là, sont en comparaison, c'est les épreuves que les humains vivent. Oui. C'est ça? Toutes les épreuves que le règne humain vit, sans arrêt, sans... Donc, on n'a pas conscience. Qui a une belle vie? Personne. Ah, c'est sûr que l'humain finit par dire, ben moi, à 7 coups de fouette, je peux pas me plaindre. Oui. Mais ça, c'est de la tolérance, puis c'est pas long qu'on t'en donne 8-9. Pour qu'à 7, tu te plaignes pas. L'espoir reste constamment là. C'est relatif selon ce que ça comble chez toi. Tout le temps. Bon, par exemple, au point de vue monétaire, un exemple. Si quelqu'un est bon, est correct avec 10 000 $ en banque, il va être bien heureux. Mais il ne restera pas heureux longtemps parce qu'il ne sera plus assujetti à la polarité du bien et du mal. Alors, les contextes de la vie vont s'arranger pour l'amener dans de la misère, de façon à ce qu'il puisse repolariser sa conscience dans la vision du bien et du mal. La vision du bien et du mal, là, c'était, dans le passé, c'était appelé le karma. Non, le karma, c'est pas le bien. Mais pas le bien et le mal. Mais quand tu le vis, les conséquences, pas les mais quand tu vis quelque chose de négatif, là, après ça, tu vis quelque chose de positif, c'est tout le temps relié à du karma. Oui, OK, on fait une petite différence. Si tu marches le pied sur un clou, tu as un karma instantané. Un karma de clou. Oui. Bon. Mais là, ce qui va arriver, c'est que la vie, elle, ce qu'elle fait, les divinités, les égrégores et tout ce qui est dans le contexte astral humain, ce qui manipule l'humain. Ce que ça fait, c'est pas de mettre un clou sur ton chemin. Et à un moment donné, vous allez vous engueuler, parce que les entités vont venir, puis il va se passer. Ça fait que vous allez vous arranger pour ne jamais être capable de vous aimer, pour continuellement vous punir vous-même. On va tu veux une belle sortie pour toi, tu y vas pas. Tu vas y aller pour les enfants, pas pour toi, tu punis. Et c'est sans arrêt, je peux donner des exemples. Ça, c'est la mécanique de l'astral. Ce qui va faire en sorte, par exemple, en Bosnie, eux autres, ils veulent faire une purge raciale. Ils espèrent que jamais l'humanité va s'en mêler. Tu sais, il faut être inconscient, pas mal. Saddam Hussein, il décide de prendre le plus gros empire du pétrole au monde. On dit, il est fou. Non, il n'est pas fou, il espère. Bon, Kadhafi, le général Kadhaboum, il met des bombes un peu partout. Il espère qu'il ne va jamais rien se passer. Et à un moment donné, c'est ce qui arrive. De l'espoir en espoir en espoir, à un moment donné, évidemment, pour créer la polarité, il se passe quelque chose. L'humain, regardons, c'est quoi l'espoir? Votre espérance de vie. Vous espérez tous vivre. Pensez pas mourir. L'humain qui perd l'espoir de vivre... On espère pas mourir tout de suite. Ouais, mais t'espères surtout vivre. L'humain qui perd, donc tu n'auras pas de mort. L'humain qui perd l'espérance de vie ne peut pas vivre. Ça va faire comme certains milliardaires qui ont peut-être connu, certains dans une autre vie, plus jeunes, là, qui ont peur de tous les microbes, ils se mettent des gains, ils ne touchent plus personne, et c'est tout un manger, il y en a eu plusieurs comme ça, là. Il n'y a pas eu un qu'un, il y a eu Howard Hughes, mais il y en a eu d'autres. Bon, eux ont perdu l'espoir de vivre. Donc, ils sont essayés de lutter contre la mort sans arrêt. Et c'est pourquoi les religions vont dire, mets de l'espoir chez le bonhomme, tu vas l'aider. Mais c'était vrai. C'est vrai. C'est vrai pour tous les humains, ça, là. Oui, c'est vrai que pour tous les humains, si tu considères que l'humain est un crapaud, ben pour aider le crapaud, tu mets, c'est vrai. Ben, on n'a pas le choix parce que... On n'a pas le choix, pas le choix. Présentement, penses-tu qu'il y a des humains qui sont capables de supporter... Est-ce qu'il y a des humains qui sont capables de supporter le fait... Ben, de voir la réalité. Non. Bon, ben, l'espérance n'est pas là. L'espérance, c'est une merde totale. Si tu élimines l'espérance au complet... C'est une merde pour qui? Pour toute l'humanité. Ben, moi, je pense que c'est une merde seulement pour ceux qui peuvent être... qui sont capables de supporter... C'est une merde pour toute l'humanité. Tu n'iras pas l'auteur de l'humanité. Ben non, c'est positif pour ceux qui ne sont pas capables de supporter ça. Non. Chose, il est obligé de se laver les mains à tous les 30 secondes. Du moment qu'il touche quelque chose, il faut qu'il... Puis l'autre, il fait du boogie, là, ben non, ça va faire qu'il conduit une automobile à 180 à l'heure. Il est au maximum. Bon, du boogie, d'abord. J'en fais pas, moi, là, s'il vous plaît. Les personnes qui font un paquet de conneries sans arrêt, ceux qui se droguent, ceux qui... Tout, tout, tout, tout! Tu roules pas de ceinture de sécurité, je t'envoie dans rien, là. L'enfant assis en avant, pire des bois de la mère ou du père, c'est une crevaison. S'il y a un accident, c'est pas pire, l'enfant te protège, ça fait qu'il fait gonflable, tu sais. Il va absorber tout le choc, tu sais, le temps qu'il éclate, ça te ralentit pas mal. T'sais, l'humain n'a pas de conscience. Pourquoi? Parce que l'humain vit dans l'espoir. La majorité des accidents, des incongruités, des électrocutions, des noyades, c'est sur l'espoir. Mais j'aime autant, moi, qu'on coupe l'espoir à un moment donné. Tu vas trembler comme une feuille. Mais c'est parce qu'il y en a qui disent, il n'y a pas de danger, il arrivera pas d'accident. Mais non, l'espoir. Mais sinon, l'autre va tout le temps avoir peur de tout. Ça vient à l'autre. Okay, pas longtemps. Tu es en train de se faire. Qu'est-ce que tu fais si on coupe Daniel, on coupe l'espoir à l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Non, on ne coupe pas l'espoir à l'humanité. Non, qu'est-ce qui arriverait? On revient ici. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui se conscientisent comprennent que le voile qu'ils ont à déchirer, c'est le phénomène de l'espoir. Bon, c'est pas d'arriver demain matin et de dire, bon, moi, j'ai plus d'espérance de rien du tout, là, ça fait que là. C'est quoi ton espérance de vie? T'espères qu'il va se passer quelque chose. Bon. Et Daniel, quelqu'un qui se conscientise, il voit son alimentation, que c'est mauvais. OK? Il sait, là, que son alimentation est mauvaise. Mais s'il continue à manger mauvais, là, il est assujetti à l'espoir. Il est assujetti à l'espoir. C'est pas clair, là, chez lui. Il se dit pas, moi, je mange ça, j'espère, ça me fera rien. Non. Il sait. Mais il le fait quand même. Quand même, il est pas fou, lui-même. Ouais. C'est parce qu'il est investi d'espoir, puis il continue à s'auto-détruire, parce qu'il espère. Okay. Daniel, je sais que la viande, c'est pas, par exemple, c'est pas bon pour moi. Je le sais, mais j'en mange quand même. Si ma lutte, je la rejette, je rejette la viande. Rejette pas la viande, mange-en pas. T'en manges pas. Donc, je coupe l'espoir. Non, t'en manges pas. Tu peux espérer que tu n'as pas trop mangé dans le passé. Non, mais tu peux aussi espérer, si t'en manges pas, t'espères que c'est vrai que ça va aller mieux. C'est ça. Non, Daniel, je vois le moyen de s'en sortir, là. De l'espoir, OK? On prend l'exemple du manger, on sait que c'est pas bon. J'en mange quand même. C'est pas bon, j'en mange quand même. À un moment donné, là, j'en ai conscience, j'en mange plus. Point. C'est fini, je le sais, je n'en mange plus. Ça ne peut plus me manipuler. Là, je viens de couper quelque chose. Avec l'espoir. Donc là, je vis. Mais si je coupe tout ce que je viens de prendre conscience, ça prend de la puissance à quelque part. Mais on s'en fout. Revenons sur l'espoir. Pour l'instant, là, je ne fais pas un discours ce soir pour que les gens cessent d'espérer. T'espères pas ça, là? Ah! Bon. C'est pas ça! Oh. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que prenons l'exemple d'une personne. À un moment donné, moi, j'expliquais que la peur, ça servait à rien. Mais l'humain n'a pas besoin d'avoir peur. Toute ta vie, t'as peur de t'essayer, puis finalement, ben, tu meurs. Ça vaut la peine d'avoir peur de t'essayer. Oui, mais si je m'étais essayé, là, j'aurais peut-être manqué mon coup. Bye-bye, tu reviendras d'un coup, j'ai un autre. Et tu meurs! Oui, mais d'un coup que... La peur, l'espoir, c'est la même chose. C'est pas loin. C'est la peur est supportée, la peur psychologique, la peur psycho-émotive, est supportée par l'espérance de l'humain. Bon. Maintenant, moi, ce que j'explique, c'est que je disais, à un moment donné, une conférence, là, de ça, belle lurette, la peur n'est pas utile à l'être intelligent. Quelqu'un me posait des questions. À l'époque, je prenais les questions des publics. La deuxième partie de la conférence, c'était « Si j'ai plus peur de la mort, je vais conduire comme un fou sur le métropolitain. Il va peut-être aller me tuer. » Il n'y a pas de conscience. Moi, je suis d'accord avec ça. Pour l'animal humain, il a besoin de la peur parce qu'il n'y a pas l'intelligence pour se rendre compte que ce n'est pas nécessaire de rouler à 140 ou à 160 quand tu ne peux pas. Tu roules à 100, ça s'est bloqué, tu roules à 20, c'est arrêté, t'arrêtes. Pas besoin d'être de loi, pas besoin d'avoir peur. J'ai pas besoin. Hey, je vois un champignon vénéneux, je le mange pas parce que j'ai peur de mourir, parce que je ne veux pas mourir. J'ai pas besoin d'avoir peur. Bon, et là, l'espoir, c'est la même chose. L'humain, pour plusieurs, je dis pas, là, c'est pas convertir la planète, on est entre nous ici, là. L'humain est assujetti à des mécaniques, on va y laisser. Les êtres qui se conscientisent souffrent, n'avancent pas, broutent, n'ont rien. La vie les insulte leur intelligence quotidiennement. C'est une insulte. Parce qu'ils sont basés, ils continuent à vivre comme l'animal a été créé ou implanté. dans l'espérance. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que si moi je prends l'automobile, j'ai pas besoin d'espérer que je m'en sortirai vivant au bout de ma route. Je vais prendre, en fonction de l'intelligence que j'ai, en fonction de l'évolution technologique du 20e siècle, les mesures nécessaires pour me rendre à bon port en vie et en un morceau. Bon, mais c'est pas une question d'espérance. Puis si je meurs en m'en allant, bien, je serai mort en m'en allant. D'ailleurs, habituellement, quand on meurt, on s'en va. Bon, on meurt. C'est avec une affaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tellement plus facile. Tu vas à un examen, j'espère moi le réussir. Comment peux-tu espérer réussir un examen? Et tu connais les réponses ou tu ne les connais pas. T'sais? Comment peux-tu espérer réussir un examen? La personne, elle espère que ça va réussir. Oui, mais lui, par exemple, une personne qui passe un examen, là, il connaît pas les questions. Fait que... Il connaît pas les questions. Il connaît les réponses. Il connaît sa matière. Oui, mais tu regardes quand même que l'espérance va le diriger. Parce qu'il espère réussir, souvent il se plante. Le gars qui fait un vol, il espère qu'il va réussir. Combien de vols réussissent, honnêtement? Si les gars ne se font pas remonter dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Honnêtement, non, aucun. Elle va réussir jamais, honnêtement. Bon, okay. Combien de vols, honnêtement, réussissent? Couchez-toi, là. Ça dépend. Il y en a, c'est pas beaucoup. Et vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Alors, comme nous, on a encore démantelé des réseaux de voleurs d'automobiles. Les gens marchent 1 an, 2 ans, 3 ans, passent en prison. Les gens, ils sortent, ils recommencent, ils espèrent. Le gars, il fait un vol de banque, ils espèrent. Non, mais là, ils savent qu'ils savent faire, là. Ils sont sûrs qu'ils savent, quoi. Et ils espèrent. Ils sont encore ramassés. Ils espèrent. Et c'est continuellement basé sur l'espérance de ce genre-là. Alors, comment on peut continuer, l'humain conscient, à se laisser manipuler, à se laisser vivre par l'espérance? C'est simple. Pour la simple raison que l'espérance, c'est ce qui empêche l'humain de voir. Puis l'être humain est investi d'un ego qui n'a rien à foutre de la réalité, qui vit que de vérité, c'est-à-dire de mensonges, donc d'illusions ajustées à sa structure, à sa constitution. Par exemple, toi, là, tu décides d'être un bon père de famille. La réalité, c'est que l'être humain n'est ni père, ni mère, ni enfant. Pas l'être humain. Mais si tu veux être un bon père, tu ne peux pas embarquer dans un groupe d'individus ou lire des livres ou aller voir un film où on va t'ouvrir à cette réalité-là. Bon, par exemple, dans la réalité, les enfants qui vivent chez toi ne t'appartiennent pas. Ce ne sont pas des objets. Ta femme n'est pas à toi. Tu n'as pas le droit d'être jaloux. Il est jaloux, c'est un combat de territoire, comme les poules en les coqs en font. C'est un combat de territoire. Je veux pas que tu approches de ma femme, tu touches pas, c'est un combat de territoire. La femme devient un territoire. Quand j'ai la femme qui est jalouse, le gars est un territoire, c'est un combat de territoire. Dans la réalité, ma femme, mon mari, mes enfants, c'est totalement idiot. C'est comme de dire, ça c'est ma montagne. Ça fait 35 millions d'années qu'il est là, le câble. C'est ta montagne? C'est parfait, les bâtards, moi j'ai 8 ans, là. T'as 62 ans? Je te garantis que t'as 50 ans, t'as moi. C'est idiot. Mais l'ego, le vieux qui a la montagne, va dire, non, non, toi, ça, on va organiser ça jamais à toi. Ça va rester à moi. Même mort. Il dialoguera même pas là. Pourquoi? Parce que dans sa vérité, il n'y a pas la mort. Il ne pourra pas vivre s'il y avait la mort dans sa vérité. Donc, il y aura l'espoir de la vie. Mais il va se faire ramasser, le vieux, m'amener. Pourquoi? Parce qu'il laisse glisser sa vie, la vie de son corps physique, dans les méandres de l'inutilité. L'espoir, savez-vous ce que ça fait, l'espoir? Ça fait en sorte, là... Avez-vous déjà regardé le ciel? Oui. La nuit. Pas de nuages. On voit des petites taches jaunes, hein? On appelle ça des étoiles. C'est quoi, Jean-Guy, une étoile? C'est un astre lumineux. Bon, oui, parfait. C'est comme un fil ou plafond, OK. C'est un soleil. J'en ai enlevé dans des gens. François, c'est quoi une étoile? C'est un soleil. Mais ce qu'on voit, c'est sa lumière qui... Mais non, c'est quoi une étoile? Un soleil? Ben, c'est un soleil. C'est un as qui est en train d'exploser, qui a énormément de, qui dégage énormément de lumière. Michel, c'est quoi ça, une étoile? C'est rien. Ah non, c'est quoi une étoile? Rendu ici, c'est pas grand-chose. C'est parce que... Non, non, aie pas peur de te tromper, tu te trompes de toute façon. C'est parce qu'il... C'est quoi une étoile? On dit n'importe quoi. Non, mais une étoile, c'est parce que pour moi, l'étoile, elle n'existe probablement même pas. Tu peux non plus, bon. Plus que l'étoile. Non, mais l'étoile a déjà existé, mais... Non, il y a bien des étoiles qui existent déjà. Bon, mais je ne vois pas, ceux-là. OK, bon, ben l'étoile que tu ne vois pas, c'est quoi une étoile? Ben, c'est un morceau de roche. Bon. Là, ce que je veux qu'on comprenne, tout le monde, là, c'est une problématique qui est sous-tendue par l'espérance, l'espoir. Début 21e siècle, je fais un retour dans le temps, je rencontre trois personnes qui sont en affaires, qui sont instruites, qui sont érudites. Aucune peut me dire ce que c'est qu'une étoile. Ça veut dire que fin 20e siècle, les gens regardent le ciel en se disant « ça, c'est des étoiles ». Puis ça ne les fait pas paniquer. Okay. Ça ne leur fait pas penser qu'il y a un bout de ce qui existe qui manque quelque part. Il faudrait qu'on se fasse des vaisseaux voyager plus vite. Il faudrait qu'on entre en contact avec du monde. Bordel, il y a quelque chose qui ne va pas. La Lune, qu'est-ce que c'est? La Lune, là, c'est un satellite de la Terre. Il peut aussi bien dire, c'est une fleur épanouie. C'est la même énergie. C'est des millions, des milliards de tonnes de roc, puis ça tient tout seul. Ça fait pas ça que, à un moment donné, ta petite chicane de famille, là, t'es un petit peu désuète par rapport à ce que tu regardes dehors. T'sais, avant de t'occuper de savoir qui a pris le dernier Kleenex, il me semble qu'on devrait savoir ce qu'on fout là. Oui, mais il y en a qui c'est ça. Bon, mais Daniel, il y en a, c'est ça leur vie. Les astrophysiciens, eux autres, sont focussés sur l'étoile, puis ils vivent pas. Ceux qui vivent, on va dire, ben, tu prends pas conscience qu'il y a d'autres choses. Non, l'astrophysicien, c'est un humain normal. Il y a une marotte. Oui, mais ce que je veux dire, mais pourquoi qu'il faut faire un drame avec une étoile? Daniel. Pourquoi un drame avec une étoile? Ce que je dis simplement, c'est que l'être humain a l'espoir tellement ancré chez lui que toute forme d'expression de la réalité, ben, il n'en a pas besoin et il n'en a que faire. C'est pas quoi faire avec ça? Notre présence à la planète, c'en est un grand mensonge. Je te donne, mais oui, c'est bien évident. C'est le grand mensonge, parce que qu'on soit père, qu'on soit mère, on n'a rien à faire. Rappelez-vous tous, vous autres, quand vous aviez 8-9 ans, puis quelqu'un vous disait, « Hey, moi, j'ai vu ce film-là, il y a 25 ans. » Là, vous dites, « Tabarnouche, il dit 25 ans, puis il ne panique pas. » Minimum. Moi, j'ai 8 ans, 12 ans. 25 ans! Minimum. Tabarnouche! Là, t'es minimum, qu'est-ce que c'est? Là, t'es rendu à 30, 40, 50 ans. Ça fait un demi-siècle. Non, on n'ose plus trop voir ça de la même façon, parce que c'est compliqué. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais... comment ça se fait, à un moment donné, que nous autres... Mais qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Non, c'est pas ce que tu veux faire. Comment faire t'ouvrir? Laisse faire ce que tu fais. Ben ça, c'est... Mais non, conscientise-toi qu'à un moment donné, il y a eu les Égyptiens, hein, il y a eu les Macédoniens, il y a eu les Romains, il y a eu les Grecs, bon, il y a eu les Français, les Portugais, il y a eu tout ce monde, il y a eu du monde. Puis nous autres, on fait partie de l'histoire. Vous faites tous partie de l'histoire. Vous êtes tous morts. Dans 50 ans, ou 60 ans, ou 100 années, et puis là. Faut faire un tour dans l'avenir, savoir que t'es pas là. Puis ici, je parle. Et j'ai fait physiquement. Maintenant, je vais être là, on va regarder. Ouais, c'est ça. Et tout sera plus là. Puis ça, ben ça, y a pas de problème là. Nous autres, on filme nos petits joints, puis on prend notre petite bière, puis on va voir le parc jurassique, puis on trouve ça au bout. Ces dinosaures-là ont vécu, mais ça, ça sera pas de problème là. C'est tu bien fait. Fait que si on tombe dans un bassin de résine, on peut se faire réanimer plus tard. Ouais, effectivement. Ils vont prendre ton sang, ils vont créer un dinosaure. humain, un humanosaure. Un humanosaure. Un lézard humain. Mais. Là, c'est pas de dire qu'on doit paniquer de la vie. C'est pas ça. C'est que l'espoir fait en sorte qu'on est continuellement inconscientisé dans des mécaniques d'illusion. Puis ça fait partie, ça, de notre vérité, on va dire, réalité. On trouve ça normal, c'est comme ça, puis c'est pas plus. Tout est normal pour l'humain, alors que ça va pas. L'être humain qui se conscientise, là, il sait que ça va pas. Et lui aussi, l'espoir fait en sorte qu'au lieu de s'allier, hein, c'est pas l'humain qu'on doit haïr. C'est ce qui manipule l'humain. Il y en a du stock dans l'astral, dans le monde de la mort, dans le ciel, dans le nirvana. Il y en a du matériel à détester, tant qu'à détester, là. Au moins, détestons quelque part. Détestons ce qui est détestable. Mais ceux qui se l'humain, il se déteste. Mais les gens... Il a peur d'être jugé. Les gens qui se conscientisent. Il a peur que son bouton ici grossisse trop. Puis après ça, il meurt à 32 ans. Il est tout nu dans les cercueils, puis ça le dérange pas. Mais il a passé sa vie à mettre des potées, puis à couper, puis à cacher le bouton. Ça, là, c'était important, primordial au fond de la galaxie. Ça, c'est important. C'est ça l'idée. L'humain se conscientise dans quoi? Dernièrement, on avait un ordinateur qui commence à faire des simagrées à l'écran. Ça, ça veut dire vous n'avez pas touché à souris depuis une minute. Bon. Là, je regardais les employés, puis je leur disais, savez-vous, on était tous des moines zen, là, on se mettait tout en position, c'est tellement beau ce qu'il y avait à l'écran. On se mettait tout en position, c'est juste pour méditer devant ça. T'as un écran quand t'as dit qu'il t'envoie des simagrées, tu t'as dit qu'il s'ennuie. On se fait tout là, nous a trouvé ça beau, mais à méditer là-dedans. On arriverait au samedi, on traverserait, on transcendantaliserait l'écran, puis on arriverait quelque part dans un éclatement de conscience qui ferait en sorte que quand on est revenu, ben il faut encore aller manger, puis aller pisser. Tu sais, on n'aura rien réglé. Bon, on vient plein de puces. Mais c'est la même chose? Non. C'est la même chose avec l'étoile? Moi, l'étoile, je m'en fous d'étoile. Non, mais... Moi, ce que je dis simplement, c'est que les préoccupations de l'humain du 20e siècle sont les mêmes préoccupations que l'humain du moins 20e siècle, tu sais? C'est les mêmes préoccupations. Y a-tu couché avec ma femme? Mes enfants vont-tu être rentables? Y va-tu écouter? Y a-tu encore cassé? Y a-tu encore touché au bouton? À l'époque, c'était pas le même bouton, évidemment. Tu sais, je suis plus riche qu'un autre. Je suis quelqu'un. Ici, on dit « je tue quelqu'un ». Mais Daniel, c'est dangereux. Sans, moi, je tue quelqu'un. Tout ce que tu dis là, c'est dangereux. Toute la même affaire. Moi, je veux m'en sortir. J'espère m'en sortir. Je veux m'en sortir. À quelque part, là... À quelque part, je veux m'en sortir. Oui, à quelque part. Mais c'est pas assez. C'est pas assez, ça. C'est 5%. Faut bien commencer à quelque part. Il veut pas s'en sortir. À quelque part, ça veut s'en sortir. Ça, je le sais, ça. En quelque temps? Non. Les lois humaines sont basées sur l'espérance comme ceci. Regardez ce que l'espoir vous fait faire, tout le monde. Une loi planétaire. Il y en a plusieurs. Ça, ce sont des lois qui sont incontournables par l'être humain. Soit dit en passant, l'espoir est là uniquement pour t'empêcher d'arriver à la réalité, là, que l'être humain ne s'en sortira jamais. OK? Ça, c'est une réalité. L'être humain ne s'en sortira pas. Ça me démoralise, ça. Non, mais c'est quoi? Cool, un instant, je vais finir. Fait que l'espoir, c'est pour que tu continues à jouer sans savoir, en ouvrant le voile, que l'humain, l'être humain, s'en sortira jamais. OK, comment... Pas rien que les dieux peuvent rien faire, mais c'est pas jamais rien. Ils peuvent pas. Les hiérarchies peuvent pas. J'ai pas fini encore dans le stress, un petit peu. Ce que je vous dis là, l'espoir va atténuer, l'espoir va dire, oui, on n'a pas de chance, qui dit là, pas de chance, oui, non, la maison brûle, voyons, alors, ça peut pas qu'elle brûle, je t'assurance. Elle brûle quand même. C'est pas grave, je t'assurance. Oui, attends de voir. C'est assuré pour tes assurances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les lois, il y a des lois dans l'humanité, les lois de l'homme, les lois du monde, une loi dit ceci. Vous devrez tout faire pour vous en sortir, mais jamais vous ne devez réussir. Si tu commences à réussir, tu vas voir comment s'organiser. Les armées astrales vont venir te planter. C'est le bonheur, ça, là. Ils vont te tuer, en fou. Ils vont tout faire, mais il ne faut pas. Faut pas. Il faut atteindre le bonheur, mais il faut pas l'atteindre. Prends l'exemple du Nazaréen. Contact est touché, paf! On vous dit des exemples. Le Baptiste, contact, il prépare les sentiers, il en sait un peu, flac, plus de tête. Dans l'histoire de l'humanité, tous ceux, Gandhi est pas pire, flac, attends mon Gandhi. Je peux t'en donner des exemples, puis l'humain est là, puis l'humain dans l'espoir total, mais... L'humain, quand l'humain va ouvrir le voile, il va se rendre compte que l'être humain, ça, c'est pas prévu qu'il s'en sorte. Puis toi, comment tu vas faire pour pas faire moi, ça? Moi, je vais m'en sortir! Ah oui? Ouais. C'est parce que t'es pas une humain ordinaire. C'est ça, quand tu parles... C'est ça, quand... Mais quand tu parles de l'être humain qui s'en sort pas... Joue pas trop, laisse-moi jouer! T'es télépathe, c'est correct, c'est bon, félicitations. La question qu'il aurait dû poser, c'est qu'est-ce que c'est que l'être humain? Qu'est-ce que c'est que l'être humain? L'être humain, là, c'est tous les véhicules qui sont ici, okay, qui sont ici. C'est tous les véhicules astraux qui sont ici. Ça veut dire toutes les âmes, tous les égos, toutes les mémoires, toutes ces choses-là complètes, tous les espoirs. C'est tout ce que l'humain est dans le contexte planétaire. Puis c'est ça qui est assujetti à l'espoir, qui espère s'en sortir. Mais la seule chose qui va quitter, c'est l'intelligence qui habite l'être humain. Les individus qui sont réellement là, eux, peuvent s'en sortir. Et pas tout le carcan véhiculaire qui est avec eux autres. Sauf que l'humain ne travaille pas dans l'intelligence. L'humain travaille dans l'espoir de faire sortir la chose. Mais ça ne sortira jamais. Mon 5% va s'en sortir. Pas ton 5%, toi, Paul Paulette. Moi, le 5%. Mais faut que tu fasses attention à ce que tu dis, parce que là, non, fais attention à ce que tu comprends. Tu vas créer de l'espoir. Non. Ben oui, moi, je vais espérer que... Ouais. Oui, mais tu l'espéreras. Ça va mourir de toute manière. Bon, on balance l'espoir. De toute façon, ça ne me suivra pas ton espoir. Les lois humaines, observez-les, les lois humaines. Fais tout pour être heureux, mais tu ne le seras jamais. Mais parce que l'espoir... Mais l'humain travaille toute sa vie pour être heureux. Puis jamais, ça fonctionne. Je peux continuer à... Fais tout pour acquérir. Et tu perdras tout. C'est la vie. Fais tout pour entretenir ta jeunesse. Et tu vas vieillir. OK, je sais que je vais mourir. Mais l'espoir fait en sorte que l'humain embarque là-dedans. Et à un moment donné, là... débarque et tout ça. Pourquoi? Parce que ta vie devient une complexité phénoménale, puis ça mène nulle part. Toutes les énergies de l'humain sont gaspillées. T'as peur de te tromper, parce que ça dépend des personnes, t'as peur de faire un beau dessin, t'as peur qu'on te trouve joli quand tu le dis, tu le caches, tu le déchires, t'as peur d'en faire un qui n'est pas beau, tu le caches, tu le déchires. Qui, tout ça est basé. Qui et quoi et comment sortir de ça? Ah, c'est un bon résumé de la question. Bon, j'ai pas le temps de passer tout le monde individuellement ici pour leur faire prendre conscience de qui, où oui. Sont qui, là, le qui et où. Mm-hmm. Ben non, c'est ça. En séminaire, on fait beaucoup de qui es-tu. Mais pas question. Moi, là, je te montre. Regarde, tu niaises, qu'est-ce dans ta mémoire, que t'es mort. Tu vois tout ça? C'est toi. Ah, c'est moi. Non, t'es mort. On s'amuse. L'être humain a de l'intelligence. Quand l'humain est réchauffé, en conférence, on réchauffe du monde un petit peu. Du coup, on réchauffe l'atmosphère, là, mais pas juste de calories, là, de calorimétrie. Quand on est réchauffé au niveau énergétique, quand on comprend des choses, je te pose des questions, mais on va dire que je pose tout le monde, là. Essaie de répondre comme eux autres, tu sais. Réponds comme du monde. Bon. Bon. Si tu dois absolument te couper un bras, est-ce que c'est mieux que tu le coupes ou pas? Ben, j'ai pas le choix. Non. Si tu dois absolument te couper un bras, est-ce que c'est mieux que tu le coupes ou pas? Tu réponds. C'est ça. C'est mieux pas. Je coupe pas. OK. Mais c'est parce que ça se peut pas, ce que tu dis. Là, on a un ego, un mentalisateur, toujours pas Michel, là. Il est là, Michel, le sourire, c'est Michel. Il tripe quand son ego vient niaiser le monde. C'est vrai. Il sait. Qui il est, il sait, là. Tu dois absolument te couper le bras. Qu'est-ce qui est mieux que tu fasses? Ben, je peux pas répondre. Non, son ego veut pas. Bon, je ne coupe pas, mais... OK. Je coupe absolument. C'est un gain absolu, du coup? Alors, écoute, prends le coup. OK. Que Daniel, tu peux y aller. C'est parce que ça lui donnerait de la joie. Mais... Ouais. Non, là, réponds. Laisse faire ton ego. Toi, Michel, réponds-moi. Si tu devais absolument te crever un œil, le crèverais-tu ou non? Je comprends. Quelle est la réponse? On regardait le transpirer. Alors, tout ce qui ne s'en sortira jamais, l'être humain ne veut pas entendre la réponse de la réalité. C'est parce que j'espère... J'espère pour ça que je découvre une faille. Mais c'est sûr, j'essaie de passer à côté, j'essaie de ne pas me perdre de bras. Tu ne crèves pas, il va rester juste ton œil. Si tu crèves, il va rester ton œil en moins. Et ça, on ne te le dit pas, là. Ah non, mais je le sais. Mais non. Si tu ne crèves pas, tu vas tout disparaître, il va rester avec un œil. Bon. Si tu le crèves, il va rester tout au complet avec un œil en moins. Et ça, c'est ton ego, lui, espère, tu sais, bon. On va venir, des questions là, banales, des questions niaiseuses, vous devriez être capable de répondre à ça, vous autres. On va passer un autre, on voit ce qui est plus ajusté au public. François, tu dois te couper le pied, tu dois absolument te couper le pied, le coupes-tu ou non? Mais si je dois, oui. Voyez comment l'humain est là. C'est pas oui, c'est pas non, c'est, ben si je dois... Je l'ai dit! Non, ouais, c'est parce qu'à première abord, c'est pas plaisant de se couper un pied. Fait que c'est sûr que si je dois, oui, je vais le faire, mais. Vous voyez encore comment l'être humain refuse de voir le bord dans la réalité. Je dis, oui, mais ta réalité n'est pas plaisante. La réalité, elle est la réalité. Elle est la réalité. Non, on cherche la bonne réponse. Non. Vous cherchez à esquiver la réponse. En tout cas, dans ton cas, là. C'est que de dire, vous cherchez de la gueule, vous cherchez à esquiver la réponse. L'être, bon, une loi humaine fait tout pour être heureux avec ses enfants. Et de toute façon, tu vas être en train de séparer. C'est une loi. L'humain, il va pareil. Même chose comme. Si tu te coupes une oreille, tu as souffert toute ta vie. Tu la coupes-tu ou pas? Eh bien, je la coupe pas. Pourquoi? Ben, j'espère que je vais être capable de... continuellement. Parce que dommage, c'est des heures pour vous ici. J'étais pour faire des conférences sur le thème. Plus long, les heures. Plus long. On parle moins vite. Oui, mais il y a plus de nuages, par exemple. On parlerait On va probablement récidiver avec une suite de conférences-là au niveau du grand mensonge, de l'espérance humaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain ne veut pas ouvrir le voile pour voir la réalité. Si l'être humain qui se conscientise le moindrement que les gens commencent à se conscientiser, ben là, la dissolution de la souffrance, c'est d'ouvrir. T'en vas pas! La prochaine conférence, c'est le confort du libre-arbitre des illusions. Et on va on fait une petite thank you.